jour, ils furent exploités avant même d'exister. Kayan. Les chercheurs ont jeté leurs pioches et leur tamis leur est devenu sourd à leur triste folie. Kayan. Adzu Kayan. Les hommes se sont tués, ils ont fui leur maison et sont partis ailleurs faire fortune encore. Adzu Kayan. Azuka.